Chercher la lumière dans une ville où les sourires sont éteints. Toujours les mêmes prières qui deviennent poussière et toujours les mêmes lendemains. Ils me disent qu'il faut trouver l'envie. Ces gens croient avoir toujours leur raison. Ils peuvent bien sourire même s'ils s'ennuient. Ils construisent leur cage, leur prison. Trouver l'alibi pour suivre la route. Vouloir vivre, se tracer un chemin. Dans cette vie où le rêveur doute, à force de même lendemain. Yeah.